vous dites. Ouais, non, je disais, en fait, là, ils trouvent pas de driver Asio, je sais pas. Donc, tu peux essayer Asio. En fait, c'est.